Ngokote mordimi. Fonica Lomiri. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Dans nos cœurs, guide nos pas. La divine lumière illumine nos voies. L'horizon annonce la fin de l'Armageddon. Suivons l'étoile. Suivons l'étoile de la réconciliation. Suivons l'étoile. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Si tout le monde a raison, alors tout le monde a tort. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Les plus forts ne sont pas forcément les meilleurs. Côté mordimi. Fonica Lomiri, côté mordimi. Fonica Lomiri, côté mordimi. Fonica Lomiri. Côté mordimi. Fonica Lomiri. Dieu est notre force.